Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous retrouvons Franck Ferrand à la porte de Versailles, aujourd'hui en direct du studio installé par Europe 1 sur le stand des produits laitiers au Salon international de l'agriculture. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous sommes non seulement en direct de ce stand des produits laitiers, mais nous sommes en public et vous allez l'entendre du reste. Elle nous avait manqué, figurez-vous, depuis l'année dernière. Je parle des vaches, évidemment, qui sont une des attractions majeures de ce salon de l'agriculture et tout près desquelles nous nous trouvons. Alors l'année dernière, nous étions carrément sur les vaches. Là, on nous a mis un tout petit peu à l'écart. Je suis heureux d'être là pour une émission consacrée non seulement aux vaches, mais à tous les animaux proches de l'homme et qui font la matière du passionnant ouvrage de Damien Baldin sur l'histoire des animaux domestiques. Et puis, porte de Versailles ou pas, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai comme d'habitude à la question d'un auditeur. En l'occurrence aujourd'hui, je répondrai à la question de Raquel sur l'origine de l'expression « le jeu en vaut la chandelle ». Pour le moment, je vous propose d'ouvrir un des dossiers les plus étonnants, les plus inattendus de notre histoire, celui des procès d'animaux. Oui, vous avez bien entendu, il fut un temps où les juges n'hésitaient pas à statuer sur le compte des cochons, des coqs et même des perroquets, comme vous allez le voir. Ça donne quelques-unes des affaires les plus incroyables que conservent les annales judiciaires. Europe 1, au cœur de l'histoire. En direct du stand des produits laitiers, depuis le salon de l'agriculture. Franck Ferrand. Pour préparer cette émission dans un recueil d'anecdotes qui a enchanté mon adolescence, les histoires magiques de l'histoire de France de Guy Breton et Louis Powels. Or, parmi tous les chapitres étonnants de ce recueil, je me souviens d'avoir toujours été particulièrement captivé par celui consacré au procès d'animaux et qui s'ouvrait sur une scène inouïe. On est à Falaise en l'an de grâce 1386. Sur la place de l'église de la Sainte Trinité, justice va être faite. Monsieur le vicomte de Falaise est là, écrit Louis Powels, surplombant tout le monde. Il porte plumet en tête et pourpoint garni de martre. Son cheval est si parfaitement immobile que seul le brouillard qui entoure ses naseaux permet de ne pas le confondre avec une statue. Et là, juste devant les autorités locales, se trouve la potence dressée depuis la veille sur une estrade face au grand porche de l'église. Alors vous avez le curé, les vicaires qui sont là pour entonner le miserere sous la croix en attendant l'arrivée du condamné, ou plus exactement en l'occurrence, de la condamnée. Et on l'entend, cette condamnée, pousser de loin des cris déchirants, des cris de bête et pour cause. Il s'agit d'une truie. Cette truie s'était introduite dans le logis du maçon Jaunet le Mot et elle s'était jetée sur un petit enfant au berceau. Elle lui avait arraché, outre un bras, une bonne partie du visage. Alors ça supposait une condamnation de l'animal. D'ailleurs, au pied de la potence, on a fait venir le père de l'enfant pour punition de n'avoir pas veillé sur son enfant. Quant au maître de la truie, quant à son propriétaire, pour lui faire honte de sa négligence, on l'a également convoqué à assister à l'exécution. Alors la voilà qui arrive sur les lieux du supplice, enchaînée, conduite par le bourreau, ou même plus exactement traînée par lui. À mort, point de merci, hurle le peuple autour de la scène. Et alors on va assister évidemment à un véritable supplice, comme ça pouvait être le cas. On est en 1384, alors la cruauté qu'on pouvait montrer à l'époque à l'égard des êtres humains, on la déploie envers le pauvre animal qui aura le groin coupé, une jambe, enfin un pied comme on dit pour les cochons, littéralement entaillé. Et puis finalement on va la pendre, mais avant cela on la revêt d'une culotte, d'une veste, et les sabots antérieurs sont affublés de gants blancs. En quelque sorte, et c'est assez étonnant et intéressant pour ce qui va suivre, on l'humanise, cet animal qui va ensuite être pendu par les pattes de derrière, ce qui lui vaut une agonie particulièrement lente et cruelle. Dites-vous bien d'ailleurs que les cochons étaient loin d'être la seule espèce exposée à tout ce genre de cruauté. En 1474, à Bâle, on va brûler un coq qui avait été convaincu de crime contre nature. En fait, le malheureux volatile était accusé d'avoir pondu un œuf. Et alors, au Moyen-Âge, on considérait que lorsqu'un coq pond un œuf, c'est qu'il a été manipulé par Satan, par le malin. Et d'ailleurs, on disait que les sorciers étaient extrêmement friands de ces œufs de coq dans lesquels naissait, disait-on, cette créature fabuleuse qu'était le basilic. Les poules n'étaient pas mieux traitées. Dans le Doubs, lorsqu'elles contrefont le chant du coq, il semblerait qu'elles aient été jetées vives dans un brasier. Les taureaux qui blessent des humains sont voués aux fourches patibulaires. Seuls les ânes et les bœufs bénéficient d'un traitement de faveur, si je puis dire, puisque on les fusille à coups d'arquebuse. Pourquoi le bœuf et l'âne ? Bien tout simplement parce que ce sont des animaux que l'on retrouve dans la crèche. Il y a toujours cette dimension religieuse qui accompagne les procès d'animaux. Je vais y venir dans un instant. Quant à la cruauté du traitement infligé à la truie, eh bien, non seulement elle était conforme, comme je vous le disais, aux mœurs du temps, mais on pourrait presque dire que cette loi du talion qu'on lui a appliquée constituait un progrès par rapport à ce qui existait antérieurement. Un œil pour un œil et non pas la vie pour un œil. Alors, en l'occurrence, dans le cas de la truie, elle avait tué l'enfant, donc bien entendu, elle a été condamnée à mort. Et alors, on considérait ce qu'elle avait commis comme un véritable geste et acte diabolique. Il faut être conscient de cette dimension de sacrilège. D'ailleurs, on s'est demandé à cette époque-là, à Falaise, comment on allait faire pour disperser ces cendres, car même les cendres de la truie sont considérées comme impures. Et les gants du bourreau, qui devaient n'avoir jamais servi, ont été brûlés aussitôt l'exécution achevée. Alors évidemment, tout ça nous paraît aujourd'hui plus qu'étrange, mais cette idée de la responsabilité juridique des animaux eux-mêmes, cette idée a existé pendant de nombreux siècles. Dans l'Antiquité grecque, une loi de Dracon, qui a été confirmée par Solon, punissait de mort le cheval ou tout autre animal d'ailleurs qui tuait un homme ou qui le blessait grièvement. Mais après tout, aujourd'hui même, on pourrait se dire que le juge, lorsqu'un chien, par exemple, a gravement mordu un humain, eh bien, on le fait disparaître le plus souvent. Le résultat est donc le même, sauf que la décision de police est considérée comme une mesure de protection, de prévention, et non pas comme une reconnaissance de responsabilité, c'est bien évident. La très vieille loi du talion, qui s'appliquait aux humains dans l'Ancien Orient, valait aussi pour les animaux. Ainsi, dans la Perse antique, le chien qui mordait était soumis à diverses mutilations, à chaque fois plus douloureuse et invalidante en cas de récidive. Alors, ça nous semble barbare, mais ce n'était pas forcément plus radical que les mesures, encore une fois, dont je parlais à l'instant. La Bible elle-même s'inscrit dans cette logique. On lit dans l'Exode que le bœuf qui a tué un homme ou une femme sera lapidé et que ses chairs ne seront pas mangées. C'est le docteur Henri Bon qui, au siècle dernier, avait écumé les archives médiévales à la recherche de ces décisions de justice appliquées aux animaux. En étudiant des jurisconsultes comme Guy Pape de Grenoble ou Jean Duret, qui était l'auteur d'un fameux traité des peines et amendes, il a montré, cet Henri Bon, que régulièrement, les porcs et pourceaux qui tuaient des enfants, preuve que la chose n'était pas si rare, subissaient la peine de mort avec tout l'appareil démonstratif habituellement réservé aux hommes. Voici quelques exemples qui rappellent fortement celui mis en avant par Louis Powels. Le 4 juin 1094, le maire de Saint-Martin-de-Lan condamne un pourceau qui avait dévoré le jeune fils d'un vacher à être pendu et estranglé à une fourche de bois joignant les fourches patibulaires. Le 10 janvier 1457, une truie ayant tué le jeune fils du procureur de Savigny près de Chalon-sur-Saône et mangé son corps en partie, le juge ordonne que la dite truie soit menée sur une charrette pendue par les pieds de derrière. Vous voyez que c'était pas si rare. Et à peu près la même sentence est appliquée à un pourceau à Chartres en 1552, mais encore plus près de nous en 1612 pour un porc à Molinchard. Alors, j'ai bien parlé jusqu'ici d'animaux domestiques, mais les archives judiciaires renferment aussi de nombreux exemples de jugements rendus contre divers parasites, des rats, des limaces, en passant par toutes sortes d'insectes. Là, on a l'impression carrément d'entrer dans la cinquième dimension. Fools et Coq, un extrait du Carnaval des animaux composé par Camille Saint-Saëns. Revenons, Franck Ferrand, à votre récit sur les procès d'animaux. Alors oui, en 1451, les habitants de Lausanne intentent un procès, tenez-vous bien, au sangsu du lac Léman. Un huissier a même été envoyé au bord du lac pour lire aux accusés trois citations. Du reste, l'évêque de Lausanne annonce lui-même que le plébain, c'est-à-dire un de ses représentants, je cite, « avertira les dites sangsues, tant celles qui seront présentes que les absentes, d'abandonner les lieux qu'elles ont témérairement envahis et de se retirer là où elles soient incapables de nuire ». À ce stade, il faut se poser la question. Est-ce que le bon évêque abusait du vin de messe ou bien est-ce qu'il avait une raison de divaguer de la sorte ? Précisons tout de suite que le cas n'est pas du tout isolé. Ici, on somme des larves de disparaître. Là, ce sont des scarabées qui font l'objet d'une attention particulière de la part d'un juge qui déclare que les dix scarabées sont des créatures de Dieu et se trouvaient en possession immémoriale du droit de vivre sur les terres désignées au procès, qu'on ne pouvait donc les obliger à déguerpir qu'en leur fournissant une localité convenable. Je vous promets, je n'invente rien, ce sont bien des actes de l'époque. Alors, que signifient ces drôles d'arrêts de justice ? Je vous fais grâce des rats cités à comparaître devant la cour d'Autun, finalement excusés, je cite, « attendu le peu de longueur de leurs pattes et la distance à parcourir », dit le juge, qui comprend que les rats n'aient pas pu se présenter néanmoins. Des tribunaux ecclésiastiques de Maurienne ont à prononcer en 1545 et en 1587 contre des amblevins, c'est-à-dire contre des larves d'insectes. En 1551 à Dijon, ces messieurs de la Chambre de la Ville se penchent sur le cas d'un certain nombre de menus bestioles appelés écrivains qui font du dégât dans la vigne. Et encore en 1690 en Auvergne, les habitants de Pont-du-Château portent plainte contre des chenilles qui dévastent leur culture. Et je ne vais pas vous assommer parce qu'il y aurait des cas et des cas, il y en a comme ça des quantités, on en a plein les registres judiciaires. Soyons honnêtes, la véritable raison d'être de ce genre de folle démonstration judiciaire contre les animaux nuisibles à l'homme, c'est le plus souvent de calmer les esprits, d'offrir un exutoire à la foule, de montrer que l'autorité ne reste pas inactive. Face à ce qui est considéré comme de véritables fléaux, il faut que les autorités puissent montrer qu'elles ne sont pas là, bras ballants. Alors, eh bien, que faire, puisqu'on n'a aucun moyen, évidemment, d'éviter les invasions de rats ou les nuées de sauterelles, eh bien, on leur intente des procès. Et il ne faut pas que la population, si vous voulez, ait le sentiment d'une impuissance de la part des seigneurs qui tiennent la société, que ceux-ci soient d'ailleurs religieux ou laïcs. Il ne faut pas non plus qu'on ait le sentiment que quiconque ou quoi que ce soit puisse échapper à l'ordre social et moins encore à celui de Dieu. Notons du reste quand même qu'une grande majorité de ces affaires contre les rats, les insectes, etc. sont portées devant des juridictions ecclésiastiques. Ce n'est pas du tout un hasard. Ça s'explique par un respect dû autrefois à ce qu'on appelait le droit naturel. Si l'on veut avoir une chance de comprendre tous ces procès qui nous paraissent nous complètement aberrants, intentés aux chenilles et aux limaces, il faut avoir à l'esprit cette notion de droit naturel qui est absolument essentielle dans la société de l'époque. Ce pouvait être par la permission ou par la volonté de Dieu que les animaux en étaient venus à faire du tort aux hommes, et de cela, seule l'Église était habilitée à juger. Elle commençait du reste toujours par ordonner des prières. Et puis, en cas de non-observance par les condamnés des arrêts de sa justice, qui forcément était assez inévitable, eh bien, on s'en remettait à Dieu de faire exécuter la sentence. Et alors là, on organisait toutes sortes de processions, etc. Et puis, le procès, ensuite, était mené, et il y avait des injonctions de justice, des injonctions récurrentes. Et évidemment, ça, c'est la nature. Un jour ou l'autre, les parasites finissaient par partir. Et alors, si les parasites partaient suffisamment tôt, eh bien, on pouvait rendre grâce à Dieu et estimer que les injonctions de justice avaient fonctionné. S'ils avaient tendance à se maintenir sur place, eh bien, alors on considérait que les péchés commis par les habitants étaient de telle nature qu'ils justifiaient une punition divine. Il ne faut pas oublier que tous ces procès étaient extrêmement coûteux, qu'ils coûtaient aux habitants. Hein. Il fallait des hommes d'affaires, comme on disait, qui les représentent devant la justice ecclésiastique. Alors vous aviez généralement un avocat qui était licencié en droit civil et en droit commun et qui devait connaître également le droit canon, puisqu'on se présentait devant des juridictions essentiellement religieuses. L'avocat suppliait par écrit les juges d'église d'entreprendre le procès, alors des rongeurs, des parasites divers, des insectes, etc. Le tribunal religieux ordonnait la citation des hannetons, des limaces ou des souris. Un sergent était donc envoyé sur place pour faire les injonctions nécessaires à haute voix, à trois reprises, etc. Et puis aujourd'hui, on ouvrait les portes de l'officialité toute grande en se disant que peut-être que les chenilles ou les rats allaient se présenter à l'audience. Évidemment, comme elles ne se présentaient pas, eh bien, il fallait trouver une excuse. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On arguait soit du mauvais temps, soit de la taille des pattes des rats, etc. Messieurs les pauvres habitants qui sont à genoux, la larme à l'œil, recourent à votre justice, déclamait l'avocat. Il vous implore d'enjoindre aux animaux malfaiteurs de quitter le lieu de leur crime et de se retirer dans la place qui leur sera ordonnée en faisant les exécutions requises et nécessaires ordonnées par notre Sainte Mère l'Église. Contrairement à tout ce que vous pouvez penser en m'entendant raconter ces histoires invraisemblables, la justice de l'époque ne se ridiculisait pas du tout en agissant de la sorte. Encore une fois, il faut se replonger dans l'esprit du temps. Ça aurait été au contraire en frustrant les populations de ce genre de cérémonie que la puissance publique aurait encouru un certain nombre de désagréments. Alors nous, bien sûr, ça nous fait sourire, mais il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que jusqu'à des époques récentes, on a eu recours à ce genre de procédé. Le CRI de Paris signale un jugement rendu par une autorité juridique turque, le naïb de Sandikli en l'occurrence, à l'encontre de taupes sans yeux en 1914. C'était donc il y a quand même pas plus d'un siècle. Et pour finir sur tous ces cas, j'aimerais évoquer deux cas encore plus proches de nous, sinon dans le temps, du moins dans l'esprit, car ils visent le comportement d'animaux pendant la Révolution française. Le premier cas, c'est celui d'un chien dont a eu à connaître le tribunal révolutionnaire en date du 17 novembre 1793. Ce chien avait été, semble-t-il, dressé par son maître, un invalide, à aboyer contre la garde nationale. La chose ayant été dûment constatée par un inspecteur de police, le malheureux maître fut condamné à mort, mais le chien aussi. L'histoire ne dit pas si on a été jusqu'à guillotiner la pauvre bête. Quant au deuxième cas, il met en scène un perroquet assez peu opportuniste, vous allez le voir, nous en parlons dans un instant. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages sur le thème du jour, les animaux domestiques, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous retrouvons Franck Ferrand en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture pour la suite de son récit sur les procès d'animaux. En direct du stand des produits laitiers depuis le Salon de l'Agriculture. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck, pour la suite de votre récit sur les procès d'animaux en direct et en public. Et oui, en public de ce stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris. Il y a énormément de monde, vous savez, à ce Salon de l'Agriculture. C'est extraordinaire de voir à quel point l'agriculture d'une façon générale, mais tout particulièrement les animaux continuent d'intéresser les Parisiens et tous ceux qui se trouvent à Paris en ce moment. Alors, je vous parlais de ce perroquet, il faut régler son cas. Sous la terreur, à Arras, lorsque vous passiez sous les fenêtres de l'hôtel de Béthune, vous pouviez entendre jacasser un perroquet qui, d'après ce qu'il répétait en boucle, ne paraissait pas vraiment favorable aux idées nouvelles, si vous voyez ce que je veux dire. « Vive le roi !» criait-il à longueur de journée. « Vive les prêtres ! Vive les nobles !» Alors évidemment, dans le contexte de l'époque, ça épouvantait littéralement, ça glaçait le sang des gens qui passaient sous les fenêtres, on rasait les murs. Alors d'où venait-il ce beau perroquet ? Il avait été rapporté des Pays-Bas par un vieux marquis, Louis-Auguste de Vieilleville, qui l'avait installé au château de Oudenouve. L'animal avait égayé les dernières années de son épouse, la marquise. Il avait aussi vu grandir la fille de la maison, qui qui, lorsqu'elle épousa son cousin, Eugène de Béthune, était partie avec le perroquet. Elle était allée s'installer chez son mari, à l'hôtel particulier de Béthune, à Arras. Et donc, le perroquet avait emmené avec lui toutes ces espèces de d'insultes. En tout cas, évidemment, vous imaginez qu'à partir de 1792, 1793, ça devenait très gênant, bien sûr. Arras, faut-il le rappeler, hein, c'est quand même la patrie des frères Robespierre. C'est la ville du conventionnel Le Bon, une cité qui se voulait exemplaire quant à son engagement dans la Révolution. Or, ce propriétaire du perroquet, Eugène de Béthune, a très vite été soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. On est en pleine terreur, on arrête les gens pour moins que ça. Il est arrêté, sa fille aussi, son gendre également. Tout ce monde-là se retrouve donc à la prison d'Arras. Et en août 1793, on leur adjoint un certain nombre d'autres membres de la famille. Bref, il se trouve qu'à la fin, presque toute la famille de Béthune, ses alliés, etc., sont emprisonnés. Mais il va falloir mener leur procès. Ce procès, il a lieu à l'automne 1793. Or, l'accusateur public ne dispose quasiment d'aucun élément concret. C'est-à-dire qu'on les soupçonne évidemment de ne pas être favorables aux idées du moment, mais on n'a pas vraiment grand-chose à leur reprocher. Or, le procureur va ordonner une perquisition à l'hôtel de Béthune. Et là, le commissaire qui arrive sur place est ravi. Il arrive en chantant la carmagnole et il s'entend répondre « Vive le roi, vive les nobles !» Alors ça, c'est une preuve. C'est une preuve vivante des mauvaises idées de cette maison de Béthune. Et sur place, Le Bon exulte. Il va pouvoir se servir, évidemment, de cet animal contre les ci-devant, comme on disait. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le 23 avril 1794, on va faire comparaître le perroquet. Et alors, ce perroquet, qui depuis quelque temps était tout seul, on s'occupait peu de lui, etc., là, d'un seul coup, il se retrouve devant un public magnifique. Eh bien, le voilà qui hurle « Vive les nobles, vive les prêtres, vive le roi !» Là, ça, évidemment, ça va avoir des conséquences. Je vous raconte ça sur un mode assez drôle, parce que, évidemment, la situation est tout simplement est une situation burlesque. Mais en vérité, on va condamner le marquis Farimaud, Isabelle de Béthune, le marquis de Vieilleville, celui qui avait dressé le perroquet. Tout ce monde-là est non seulement condamné, mais exécuté le soir même. Quant à Jaco, nous dit la chronique, l'on agita pendant longtemps si l'on ne le guillotinerait pas aussi. On l'apporta pour cela donc au débat. C'est maître Alexandre Morgan qui dira ça au procès de Le Bon. L'animal aurait ensuite été offert à la citoyenne Le Bon, finalement, qui charge à elle de le désintoxiquer, en quelque sorte. Et l'on sait que la citoyenne Le Bon va passer son temps à essayer d'apprendre au perroquet cette belle phrase « Vive la nation !» à quoi Jaco répétait systématiquement « Vive le roi !» Bonjour Damien Baldin. Merci d'être avec nous. Vous avez raconté l'histoire de ces animaux domestiques et cette histoire, elle vous est apparue comme une évidence en travaillant sur la Première Guerre mondiale, car, et c'est ce par quoi nous allons commencer dans un instant, les animaux ont joué un rôle dans cette guerre il y a tout juste 100 ans. Thank you. La valse du petit chien, composée par Frédéric Chopin à l'instant sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire des animaux domestiques et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, en direct et en public du stand des produits laitiers avec votre invité Damien Baldin, professeur agrégé d'histoire et chargé d'enseignement à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur notamment de l'histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle aux éditions Le Seuil. Alors Damien Baldin, on va venir évidemment, on va venir à ces animaux de guerre. Ça, c'est un des chapitres qui m'a le plus étonné, évidemment, dans votre ouvrage. Avant cela, un mot peut-être du statut de la responsabilité des animaux dans l'ancienne France, notamment au Moyen-Âge. On trouvait normal non seulement de condamner une truie qui avait commis un crime, ça à la limite ça peut encore nous paraître compréhensible aujourd'hui, mais d'aller carrément porter des injonctions aux chenilles et aux sauterelles, c'est déjà plus étonnant. Il y a au Moyen-Âge une proximité entre les hommes et les animaux que notre société d'aujourd'hui a littéralement perdue. Vous disiez tout à l'heure que combien vous étiez étonné de voir autant de personnes venir aujourd'hui au salon de l'agriculture, notamment pour y voir les bêtes d'élevage. C'est sans doute le signe qu'aujourd'hui nous avons perdu ce lien avec ces animaux d'élevage. On vient le chercher, ce lien, en fait. Oui, on vient le chercher et en l'ayant perdu, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi des animaux domestiques pouvaient être condamnés. Ça nous oblige à repenser ce monde-là où, vous avez parlé d'ordre naturel, les animaux vivent dans un ordre naturel, celui voulu par Dieu, et que par conséquent, leur comportement font l'objet d'attention, et que s'ils y contreviennent, comme cette truie qui va justement commettre un crime, ils doivent être punis, car elle a outrepassé l'ordre naturel de Dieu. Elle a même inversé l'ordre des choses, puisque la truie est destinée à être mangée et non pas à manger l'homme, bien entendu. Il y a d'ailleurs toute la question de l'anthropophagie que pose le destin de ces animaux criminels. Enfin, je n'ai pas voulu entrer dans cet aspect, mais c'est un aspect aussi très important. Je n'ai pas non plus voulu, parce que nous sommes un mercredi à une heure de grande écoute, parler de tous les procès de zoophilie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été extrêmement nombreux et qu'ils alimentent, j'ai été le premier surpris, ils alimentent la chronique judiciaire jusqu'au 19e siècle. C'est assez extraordinaire. Cette proximité dont vous parlez fait qu'on considérait les animaux comme partie prenante quasiment de la famille. Ils étaient de la famille. Les animaux domestiques faisaient partie de la famille. Les animaux domestiques faisaient partie de la famille, évidemment. D'où d'ailleurs leur titre de domestique. Et comme leur nom l'indique, oui. Il s'agit d'animaux qui vivent au plus près des hommes, au plus près de leur corps. Donc, les animaux d'élevage, dans des campagnes où les paysans vivent avec une grande proximité, y compris dans l'habitat. Nous connaissons, nous voyons ces images d'étables et de pièces uniques où viennent vivre hommes et animaux. Et puis, dans cette France du 19e siècle, encore profondément rurale, à majorité paysanne, s'ajoute un second phénomène, qui est celui des animaux de compagnie, qui, eux, ne vivent pas au plus près des fermes, mais au plus près des corps dans les appartements. Et donc, naît ici une deuxième proximité, une deuxième familiarité que nous connaissons bien aujourd'hui, celle des animaux de compagnie. Et l'autre, celle dont nous parlions en propos du Moyen-Âge, celle de la proximité dans les campagnes, nous l'avons littéralement perdue. Nous sommes devenus, si je puis dire, relativement conformistes en fait d'animaux de compagnie, puisque nous contentons essentiellement des chiens et des chats. Alors depuis quelques années, il y a toutes ces espèces de nouveaux animaux là, les serpents, les araignées, etc. Il y a un côté gothique qui s'attache évidemment à ces nouveaux animaux de compagnie. Mais on oublie que le cochon, puisqu'on parlait du cochon, a longtemps été un véritable animal de compagnie. On a vu des enfants qui avaient comme animal préféré un cochon ou un âne, par exemple. Ces animaux-là étaient beaucoup plus présents qu'ils ne le sont devenus. Mais surtout, c'est que leur statut est beaucoup moins figé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, les animaux domestiques sont des animaux de compagnie. Or, au Moyen-Âge, et même jusqu'à tard au 19e et au 20e siècle, un animal domestique pouvait être à la fois, et c'est ce que nous comprenons de moins en moins aujourd'hui, pouvait être à la fois un animal de compagnie et un animal d'élevage. Et qu'il était très difficile de pouvoir distinguer un statut aussi bien différencié qu'aujourd'hui. Nous avons du mal aujourd'hui à comprendre comment un éleveur peut à la fois élever un animal et lui prodiguer des sentiments comme il pourrait en prodiguer pour un animal de compagnie. Alors votre livre porte sur le 19e et le 20e siècle, même s'il y a des ouvertures, bien entendu. À cette époque, encore au 19e siècle, l'animal est considéré comme utile. Il ne faut pas l'oublier. On utilise tout chez lui, sa force motrice, sa température aussi parfois pour se chauffer, la viande pour les animaux de boucherie, et au-delà de la viande, tout ce que l'on peut récupérer. Je pense à la corne, à l'os, etc. L'animal est à la base de l'économie industrielle. C'est ça. Paradoxalement, c'est au moment où la modernité industrielle envahit les sociétés occidentales que l'on se rend compte de la nécessité économique de l'usage des animaux. Deux usages vraiment très intéressants, c'est d'abord dire que les animaux sont le moteur, jusqu'à très tard dans le XXe siècle, sont le moteur des voitures. Ce sont les moteurs dans les campagnes pour le labourage, y compris également pour la moisson. Les grandes moissonneuses batteuses de la fin du 19e siècle sont encore tirées par des chevaux. Nous en parlerons tout à l'heure, les canons, y compris dans la Seconde Guerre mondiale, sont également tirés par des chevaux. Et puis même si le train est apparu sur les longues distances, disqualifiant l'usage des chevaux et de la malle-poste pour les longues distances, eh bien en ville, dans les courtes distances, tant que l'automobile et le camion n'ont pas été généralisés, sont évidemment les équidés qui tirent les voitures et les charrettes. Alors dans de nombreuses campagnes, l'animal de trait, c'était le bœuf, en fait. Dans les villes, vous nous dites que ça a pu être le chien, il ne faut pas l'oublier. On a complètement oublié cette utilisation des grands chiens. Mais évidemment, et vous avez plusieurs fois parlé déjà des chevaux, c'est le cheval qui reste l'animal par excellence. D'ailleurs, ce qui est l'animal le plus noble en quelque sorte, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé dans la préparation de cette émission, de ce récit sur les procès d'animaux, je n'ai pas trouvé de procès intenté à un cheval. Comme si le cheval était au-dessus des lois, d'une certaine manière. Il est quelque part entre l'animal et l'homme. Le cheval est au sommet du bestiaire de la société d'Ancien Régime, et y compris aussi de la société du 19e siècle. Et d'abord, c'est un animal assez rare, ce qui peut aussi expliquer son absence dans les procès d'animaux. Et c'est un animal qui, paradoxalement, va être peu à peu popularisé, qui va se démocratiser d'animal réservé à la noblesse, aux chevaliers, évidemment, eh bien, peu à peu, il va se développer dans les campagnes. Et lorsque la France part en guerre en 1914, eh bien, beaucoup d'hommes, quelle que soit leur situation sociale, un paysan, un charretier, un aristocrate parisien, toutes ces personnes ont un savoir du cheval, ont une connaissance du cheval, ont une véritable culture équestre, qui certes est différente, mais qui traverse toute la société. Alors on va venir à ces chevaux de guerre, mais précisément la culture équestre, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Daniel Roche il y a quelques mois d'ailleurs sur ce sujet, mais cette culture équestre, elle a profondément imprégné nos sociétés. On pourrait presque dire que parmi les grands éléments qui ont structuré la société occidentale, il y a cette culture équestre, et le dressage notamment, qui est très important. Le dressage du cheval est même une manière de symboliser le dressage des foules à la fin du XIXe siècle. On compare la manière de domestiquer, de dresser un cheval. Faut-il plutôt avoir un dressage mécanique, très autoritaire, ou bien faut-il faire attention à la psychologie du cheval, à son ressenti, et donc imaginer un dressage beaucoup plus doux. Et beaucoup d'hommes politiques, je pense notamment de penseurs politiques comme Gustave Le Bon, Clémenceau également en parle, compare le cheval au peuple. Et pour Gustave Le Bon, la manière de dresser les chevaux, les différentes options qui lui sont présentées, eh bien, sont des manières également différentes de pouvoir dresser, de pouvoir éduquer le peuple. Alors il y a cheval et cheval. Évidemment, il y a la haute école telle qu'elle s'enseignait d'après la Guérinière, etc. Toute cette école hyper aristocratique qui dépasse très largement d'ailleurs le cadre équestre pour entrer dans les mœurs, jusque dans l'escrime, etc. Le bal, la façon de parler aux dames, enfin tout ça fait partie de cette haute école. Et puis, évidemment, il y a le cheval des villes et des campagnes, beaucoup plus classique. Mais ce qui est étonnant, c'est que même dans les campagnes au 19e siècle, les petits paysans savent monter à cheval, même s'ils ne l'ont pas appris dans un manège avec une chambrière, évidemment. Ils savent monter à cheval parce que... Alors, c'est surtout dans la France et l'Europe du Nord que le cheval est utilisé, beaucoup moins évidemment dans le Sud et dans les zones montagneuses. Et le cheval est utilisé comme animal de trait, pour labourer, je l'ai dit, pour tirer les moissonneuses batteuses. Et même s'il n'est pas destiné à être monté, pour beaucoup de raisons très techniques, eh bien, les paysans doivent parfois monter les chevaux, et donc ils possèdent une culture également équestre de la monte. Quelle a été la place du cheval et plus généralement de l'animal dans la Première Guerre mondiale ? Je le promets depuis un petit moment, mais cette fois c'est sûr, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. En direct du stand des produits laitiers depuis le salon de l'agriculture. L'aigrement d'un don à travers champs d'un pas solennel et tranquille, par les matins, par les couchants, bêtement marche à la file. Devant la pastoure qui file, en fredonnant de vieux fredons, vont en procession docile les gros dindons. Un extrait de la balade des gros dindons sur Europe 1, composé par Emmanuel Charbier, chanté par Camille Morane. Nous sommes au cœur de l'histoire des animaux domestiques et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Damien Baldin, professeur agrégé d'histoire et chargé d'enseignement à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur notamment de l'histoire des animaux domestiques 19e-20e siècle aux éditions du Seuil, et vous êtes toujours en direct et en public. Et en public, ici donc, sur ce stand des produits laitiers au Salon de l'agriculture, c'est Chabrier, Céline. Je dis ça pour les descendants qui ne nous vouent pas aux gémonies. Alors, il y a 100 ans, des millions d'hommes se jettent dans la guerre et des centaines de milliers d'animaux, essentiellement trois espèces, des pigeons, qu'il ne faut quand même pas oublier parce qu'ils servaient aux transmissions, bien entendu, des pigeons voyageurs, des chiens, on va y venir, et puis, bien entendu, des chevaux en très grande quantité. Quelle quantité, d'ailleurs, Damien Baldin ? Lorsque l'armée française part sur les frontières de l'Est et du Nord en août 1914, elle a avec elle presque 800 000 chevaux. L'armée compte alors 1,5 million d'hommes prêts à combattre. Ces chevaux ont été réquisitionnés, exactement comme les hommes ont été mobilisés à partir de août 1914. Les chevaux sont d'une importance tactique primordiale, fondamentale. Certes, la cavalerie utilise encore environ 100 000 chevaux, mais les chevaux sont surtout utiles pour tirer les canons, et notamment le fameux canon de 75. Eh oui, bien sûr. 6 chevaux pour tirer un canon de 75. Les armées donc qui sont mobilisées en 1914 sont des armées profondément animalisées, où le cheval a une place fondamentale. On raconte toujours cette anecdote de la paille et du foin qu'on mettait dans les sabots d'un certain nombre de recrues, et au lieu de leur dire droite-gauche, on leur disait paille-foin. C'est un moyen de comprendre à quel degré de ruralité était une grande partie des recrues, des soldats. En vérité, ils n'étaient pas dépaysés grâce à la présence de ces chevaux. D'une certaine manière, ça continuait à la guerre comme ça avait été dans la vie civile. Ils étaient même très utiles, notamment dans les régiments d'artillerie, puisque l'artillerie était complètement hippomobile, à savoir donc utiliser des chevaux pour tirer ses camions et ses voitures et ses canons. Et heureusement qu'il y avait des paysans qui possédaient un savoir, une culture équestre dont nous parlions tout à l'heure, pour pouvoir bien conduire, véhiculer tous ces canons. Les paysans étaient certes utilisés dans l'infanterie, nous le disons souvent, mais ils étaient également très utilisés dans l'artillerie, car souvent dans les villes, les ouvriers avaient perdu ce savoir et cette culture équestre, et que les paysans, notamment du nord de la France, pouvaient justement subvenir aux besoins de l'armée française. Et ces chevaux jouaient un rôle en quelque sorte affectif, vous le montrez bien, et à plusieurs reprises. Leur mort sur le champ de bataille est si intolérable, écrivez-vous, si traumatisante, que Maurice Genevoix lit encore avec émotion à la radio en 1971 ses souvenirs de chevaux blessés. Et vous ajoutez, il est certain en tout cas que la mort du cheval est vécu comme la transposition de celle des camarades, et comme l'anticipation et la prémonition de celle du soldat lui-même. Vous avez dit tout à l'heure que le cheval était presque à l'égal de l'homme, et il y a une telle anthropomorphisation du cheval, une telle assimilation, une telle familiarité, qu'il faut imaginer que sur un champ de bataille d'une violence extrême, jamais connue jusqu'au début du XXe siècle, de voir ces grands animaux qui sont extrêmement impressionnants, dont la mort est massive, de voir ces cadavres, de voir ces blessures, d'entendre les cris des chevaux blessés, eh bien tout cela est proprement insupportable pour beaucoup de paysans qui sont proches des animaux, qui ont une véritable sensibilité, et puis également auprès des officiers, aristocrates, qui ont aussi une culture du cheval. Et cette il est très difficile, vous le savez, dans les témoignages, de parler de la mort des autres hommes, de parler souvent de la mort des combattants. Et le cheval est aussi une manière détournée inconsciente parfois de dire toute la violence de la guerre, car il était souvent plus facile dans les écrits de raconter la blessure du cheval plutôt que de raconter la blessure et la mutilation de son camarade. Mais oui, évidemment, c'était, il y avait une forme de pudeur en quelque sorte. En décrivant la mort du cheval, on restait dans ce qui était encore dissible d'une certaine manière. Il y a eu un film récemment qui a popularisé la présence des chevaux au front. Cheval de guerre, Steven Spielberg, qui est en fait une adaptation d'un roman très connu, notamment des collégiens, et très connu des collégiens anglo-saxons, puisqu'il s'agit d'un véritable best-seller de Maupertuis. Justement, est-ce que les anglo-saxons, avec le rapport si particulier qu'ils entretiennent à l'animal, ont eu, vis-à-vis des chevaux de guerre, un comportement différent de ce qu'on pouvait voir en France ou en Allemagne ? Comportement, je ne sais pas si le comportement était si différencié. Il est certain, par contre, que les protecteurs des animaux en France, entre 1914 et 1918, ne cessent de stigmatiser les autorités militaires françaises. Parce que c'était rude, hein, quand même. Et de les comparer aux autorités militaires britanniques qui, d'après elles, s'occupaient beaucoup mieux de leurs chevaux. Il est vrai que les services vétérinaires de l'armée britannique étaient bien plus organisés et avaient beaucoup plus de matériel, beaucoup plus d'hommes que le service vétérinaire des armées françaises. J'ai eu un témoignage personnel, alors non pas sur la première, mais sur la seconde guerre mondiale. Au moment de la campagne de France en 1940, mon grand-père m'a raconté plusieurs fois que les chevaux, parce qu'on les utilisait également encore, hein, bien entendu, étaient très mal nourris, très mal traités. Ça l'avait frappé. Je ne crois pas que les chevaux étaient plus maltraités en 1914. Ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui nous savons à peu près bien que la Première Guerre mondiale a été une guerre où les animaux sont extrêmement présents, nous avons par contre complètement oublié combien les armées de la Seconde Guerre mondiale, qui pour nous sont les armées les plus modernes, sont évidemment les avions, la bombe nucléaire, et bien combien ces armées-là étaient en fait très dépendantes des chevaux. Lorsque l'armée allemande, la fameuse Wehrmacht, dont nous avons toujours l'image du Stuka, du Panzer, lorsque cette fameuse armée allemande envahit l'URSS, eh bien elle amène avec elle plusieurs centaines de milliers de chevaux et qu'elle est entièrement dépendante de l'usage des chevaux. L'armée allemande, la Wehrmacht de 39-45, utilise beaucoup plus de chevaux que l'armée allemande de 1914-1918. Alors je suis désolé du tour que prend cette conversation. Nous parlons de choses assez sombres, mais il y en a de plus sombres encore, en quelque sorte. Il y a toute la question que vous évoquez, bien entendu, car de la guerre, vous passez à la paix, si je puis dire, toute la question de l'abattage des animaux. Pendant très longtemps, il n'y a pas d'abattoir, d'abord, il faut le dire. Il n'y a pas d'abattoir en tant que tel. Il suffit d'aller rue de la Boucherie à Limoges, par exemple, pour s'en rendre compte. Hein. Le boucher n'est pas comme aujourd'hui quelqu'un qui... Un détaillant qui vend la viande. Le boucher est celui qui abat... C'est d'abord un tueur, oui. Abat l'animal. Et jusqu'au 19e siècle, le boucher abat l'animal dans son arrière-boutique, où il est débité et après vendu aux pratiques, aux clients. Et pour des raisons d'hygiène, pour des raisons également de sensibilité, on supporte de moins en moins de voir dans la rue du sang, d'entendre des animaux se faire égorger. Napoléon décide de construire des abattoirs à Paris, nous sommes dans les années 1800, pour regrouper cette pratique d'abattage. Et en 1815-1820, il n'y a donc plus de bouchers qui abattent dans Paris leurs propres animaux. Ils sont donc obligés d'aller les abattre dans des abattoirs. Et peu à peu, les abattoirs vont se multiplier dans toute la France. Et aujourd'hui, eh bien, cet abattage nous est devenu complètement invisible. C'est comme si ça n'existait pas. C'est un peu comme certaines unités des grands hôpitaux. Hein. On met ça loin des regards, en quelque sorte. À partir de la fin du XIXe siècle, nous n'allons cesser, eh bien, d'éloigner la mise à mort des animaux, qu'elle soit dans les abattoirs ou qu'elle soit dans les fourrières. Et s'il y a eu autant d'émotions récemment à propos de la violence faite à ce petit chat à Marseille, c'est aussi parce que nous nous sommes complètement déshabitués de voir la violence qui peut être pratiquée sur les animaux domestiques. Alors parlons-en des fourrières, parce que c'est un des aspects également de votre ouvrage. C'est violent là pour le coup ce que vous racontez encore une fois. La fourrière est extrêmement violente et paradoxalement les fourrières pour chiens se multiplient au moment où l'on a de plus en plus d'attention pour les chiens. Pourquoi les fourrières ? Il y a moins de chiens errants aujourd'hui qu'autrefois, dites-vous. Beaucoup moins, d'ailleurs, incomparablement. Beaucoup moins. Un appel au public, très difficile à Paris aujourd'hui de voir des un chien errant. Il n'y en a presque plus. Oui. Presque plus. Oui. Les seuls chiens que nous voyons sont des chiens en laisse. Et tout cela est le résultat d'une longue politique qui est celle de réglementer la présence des chiens. Et une des manières d'éliminer ces chiens errants qui sont de plus en plus gênants, qui sont de plus en plus immaîtrisables, vulnérables, dont on a peur qu'ils agressent littéralement les habitants, eh bien ça va être de les ramasser, de les enfermer, et une fois qu'ils sont enfermés, nous les conservons, les fourrières les conservent entre 3 et 6 jours, ils vont être proprement éliminés physiquement. C'est la raison pour laquelle le nombre de chiens errants étant de plus en plus nombreux à être ramassés par la fourrière et par les autorités de police au 19e siècle, que l'on va donc décider d'industrialiser la mort des chiens et de créer dans les années 1880 à Paris des chambres à gaz dans lesquelles chaque jour vont être éliminés des dizaines de chiens. Eh bien, je vous avoue que c'est vous qui me l'avez appris. Je ne connaissais pas l'existence de ces chambres à gaz, tout simplement. Et je crois que je ne suis pas le seul, en l'occurrence. Mais je l'ai découvert dans les archives de la fourrière de Paris. Et très peu de personnes, parmi les historiens, lorsque j'ai découvert ça dans les archives, je me suis dit, mais c'est incroyable. Complètement inconnu. Des chambres à gaz dans Paris à la fin des années 1880. Il y en avait à Londres, qui était le modèle, donc bien avant. C'est proprement époustouflant. Alors, il y aurait un deuxième tome à écrire, en quelque sorte, qui serait une histoire vétérinaire, car bien entendu, toute l'histoire de ces animaux domestiques va de pair avec une évolution des méthodes vétérinaires, avec une évolution des connaissances, des pratiques, des comportements vis-à-vis de l'animal, vis-à-vis de sa souffrance. On a pu voir récemment cette évolution judiciaire tout à fait essentielle, hein, juridique en tout cas, dont vous parliez, avec la condamnation de cette personne qui s'était rendue coupable d'actes de cruauté contre des chats. Est-ce que notre société devient particulièrement sensible aux animaux et à leur souffrance ? Elle devient sensible autrement. Je crois que nous avons bien vu, et y compris lorsque vous avez commencé à parler des procès d'animaux, combien la société du Moyen-Âge, la société du 19e siècle, était sensible à sa manière au sort des animaux. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons encore plus sensibles. Nous sommes extrêmement sensibles au sort des animaux de compagnie, très souvent en oubliant toute la diversité des autres animaux domestiques. Nous le voyons ici, mais cela ne dure que quelques jours. Et cette attention, elle est encore plus marquée, mais elle est marquée essentiellement sur des animaux de compagnie qui viennent presque, qui viennent cacher l'immense diversité des autres animaux. Alors je vais vous libérer, Damien Baldin. Je sais que vous êtes attendu à une réunion à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, justement, qui bientôt va battre plein son. Il faut dire quand même, il faut rendre hommage, si je puis dire, ce que vous faites à un animal de guerre qu'on a tendance à toujours oublier. C'est le chien de cette guerre de 14. Le chien arrive presque par des chemins détournés dans les tranchées. Tout simplement, c'est que lorsque l'armée française et l'armée allemande et les armées britanniques s'enterrent dans les tranchées, cette guerre-là est une guerre très angoissante. Je pense notamment à la nuit, à la peur des attaques ennemies, et que tout naturellement, eh bien, les soldats vont chercher à s'attacher des chiens qu'ils ont en temps de paix, qui est d'habitude pour eux un protecteur de leur maison, un véritable gardien. Et donc, on voit des soldats ramenés un petit peu en douce, malgré les ordres du quartier général, ou bien récupérés sur les champs de bataille des chiens errants pour se les attacher et pour qu'ils se protègent des attaques ennemies. Le succès des chiens policiers, écrivez-vous, l'existence d'un réseau dense de clubs canins et la croyance partagée dans le rôle protecteur du chien explique la possibilité matérielle et culturelle de leur mobilisation dans une armée en guerre. Merci beaucoup, Damien Baldin. Merci à vous. L'histoire des animaux domestiques, 19e et 20e siècle, s'est publié au Seuil. Un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Raquel qui souhaite connaître l'origine de l'expression « le jeu en vaut la chandelle ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines en direct et en public du stand des produits laitiers au Salon international de l'agriculture. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Raquel qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine de l'expression « le jeu en vaut la chandelle ». Et oui, vous savez, la chandelle, pendant longtemps, a été un des rares moyens de s'éclairer. On n'en avait pas beaucoup. On s'éclairait d'abord et avant tout au foyer des cheminées, bien entendu, faut pas l'oublier. Il y avait des torches, des toupes, il y avait des lampes à huile dans certaines circonstances. Dans les familles très riches, dans la haute société, il y avait ce qu'on appelait les bougies jaunes ou même alors carrément bougies blanches qui coûtaient une fortune. Et puis l'instrument principal, c'était la chandelle qui était faite précisément à partir de restes d'animaux, hein, de suif, de bœuf ou de mouton notamment. Cette chandelle, elle coûtait relativement cher et vous savez qu'elle permettait aussi de mesurer un peu le temps parce qu'elle était toujours de la même taille et donc on pouvait savoir qu'une conversation durait 2 chandelles par exemple ou une partie dans certains jeux de cartes, ça durait 1 chandelle. La question était de savoir savoir, est-ce que le jeu était suffisamment intéressant pour qu'on y consacre la perte d'une chandelle, en quelque sorte. Voilà l'expression, le jeu en vaut-il la chandelle. On pouvait parler aussi de brûler la chandelle par les deux bouts. Ben oui, parce qu'il y a une mèche dans cette chandelle. Alors vous pouvez toujours, effectivement, si vous voulez la brûler par les deux bouts, ça fait deux fois plus de lumière, mais ça fait aussi, ça la consomme deux fois plus vite. Tenir la chandelle, l'expression tenir la chandelle vient des habitudes dans les mariages, vous savez, où l'on vérifiait que le mariage avait bien été consommé. Et donc, ça venait de là, on tenait la chandelle. De voir une fière chandelle, bien ça fait allusion au cierge qu'on place dans les églises. On disait, la vraie expression, c'était de voir une belle chandelle à Dieu, c'est-à-dire poser un cierge en remerciement d'un bienfait quelconque. Et bien voilà l'expression, je te devrais une fière chandelle. Quant à l'expression 36 chandelles, jadis chères à Jean Nohain, elle date du 15e siècle. Elle signifie simplement voir une multitude de points lumineux lorsqu'on a été assommé ou tout simplement lorsqu'on a eu un étourdissement. Lorsqu'on voit par exemple Elena Morna entrer dans le studio, on en voit 36 chandelles.